Donc, dans la catégorie « Je recycle mon tube néon dans mon magasin de bricolage », les gagnants sont Karim de Roanne dans « Le monde de néon », Mathias de Romainville dans « Apocalypse néon », Nathalie de Tarbes dans « Mon néon est personne ». Karim, alors heureux ? Je suis super heureux, mais vous savez, j'ai un secret. Quand j'ai un néon ou une ampoule à changer, je les prends avec moi au magasin, comme ça je me trompe pas de modèle, et en partant, hop, dans le bac de recyclage. Eh oui, rapporter son tube néon ou son ampoule dans un bac de recyclage, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que leurs composants soient recyclés à plus de 90%. Toutes les solutions de recyclage sur recylum.com. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Elle vit dans les transports en commun, dans les galeries commerciales, dans les stades de foot ou dans les rues les jours de marathon. Il s'agit d'une créature à la force surpuissante, capable de briser des murs de briques ou de faire des milliers de victimes. Mais elle a aussi heureusement des capacités intellectuelles hors du commun et des connaissances phénoménales. Ainsi s'exprime le chercheur Mehdi Moussaïd dans son ouvrage consacré aux foules qu'il étudie pour tenter de comprendre le comportement de ces entités que l'on croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Si la foule peut faire peur, elle est en réalité un sujet d'étude passionnant. Quelles sont les règles justement qui dictent les mouvements d'une foule? Qu'est-ce qui explique les bousculades meurtrières? Ou pourquoi le comportement des piétons diffère-t-il d'un pays à l'autre? Mehdi Boussaïd vient nous en parler dans un instant. Il est l'invité de La Tête au Carré et vous pouvez l'interroger dès maintenant sur les foules en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, une de la science qui pèse lourd. À la louche, 3 millions de milliards de milliards de milliards de tonnes. C'est la masse de notre galaxie, la Voie lactée, qui vient tout juste d'être réestimée. On vous explique comment dans un instant. Et Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard sur France Inter. Bonjour Mehdi Moussaïd. Bonjour Mathieu. Bienvenue, vous publiez Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, aux éditions Humaines Sciences. Alors à qui est-ce que je m'adresse cet après-midi? Aux biologistes, aux psychologues, à l'éthologue, aux physiciens? Qui est face à ce micro? Vous pouvez parler aux foulologues, même si le mot n'existe pas. Ouais, vous l'avez donc inventé, mais il y a un peu toutes ces disciplines aussi à la fois pour vous? Ouais, carrément, et en fait c'était vraiment un problème que j'ai eu en particulier à la fin de mon doctorat, quand j'ai dû dire à quelle discipline j'allais rattacher ma thèse. Vous savez, au secrétariat, il faut classer c'est les choses. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que l'étude du comportement des foules prend beaucoup d'inspiration d'un grand nombre de disciplines différentes. Donc du coup, dans quelle case vous l'avez mise? Alors au final, je suis éthologue, c'est de l'éthologie, l'étude du comportement animal dans leur milieu naturel. Donc c'est comme Diane Fossé, par exemple, qui a écrit Gorille dans la brume. Elle est éthologue, elle étudie les gorilles dans les montagnes du Rwanda. Ben, moi, c'est la même chose, sauf que mes gorilles, ce sont des gens qui prennent les transports en commun ou qui vont dans les galeries commerciales. Et leur milieu naturel, c'est, je sais pas, une station de métro par exemple. Mais est-ce qu'on peut comparer la foule justement à une faune sauvage? Oh oui, tout à fait. Ouais. Pendant les trois premières années de mes recherches, donc pendant mon doctorat, je travaillais dans un laboratoire de biologie. J'étais entouré par des éthologues qui étudiaient, par exemple, les bancs de poissons, les troupeaux de moutons, les colonies de fourmis. Et j'étais le seul, mais j'étudiais quand même le comportement des foules. Et tous ces systèmes appartiennent effectivement à la même famille. Ouais, la famille des systèmes auto-organisés, comme on dit. Et le comportement des foules humaines, ça ressemble à un troupeau de moutons ou pas alors? Dans une certaine mesure, ça ressemble à un troupeau de moutons. Ça ressemble. Il y a de forts comportements d'imitation. Par exemple, entre les gens, ça ressemble à une colonie de fourmis, il y a des effets d'entraînement de la même façon. Mais c'est pas uniquement ça, on pourra aussi parler de la physique, parce qu'on étudie aussi beaucoup les foules avec un regard de physicien. Comme un fluide, par exemple, aussi? Comme un fluide, on peut utiliser des outils de la mécanique des fluides ou de la mécanique des grains de sable, par exemple, pour décrire le déplacement des foules. Ça marche aussi très bien, mais pas dans les mêmes conditions. Ouais. On verra qu'il y a des choses très contre-intuitives autour des foules, parce que sortir très très vite, se bousculer justement, c'est tout à fait inutile au fond pour être efficace. Oui, c'est même contre-productif. Hein, situation pendant une évacuation, typiquement, vous avez un certain nombre de personnes dans une pièce et puis il faut qu'ils sortent le plus rapidement possible. Ouais. Et les expériences qu'on conduit ont montré que plus les gens essaient de sortir rapidement, moins l'évacuation sera efficace. Ouais. C'est un peu contre-intuitif effectivement. Donc si les gens se dépêchent, ils sortent moins vite. Et ça, par exemple, c'est un phénomène qui n'étonne pas du tout les physiciens. Parce que si vous essayez, par exemple, de verser un paquet de riz à travers un entonnoir, vous allez vous rendre compte que si vous versez trop rapidement, l'écoulement sera plus lent. Parce que ça, il va y avoir des petits frottements entre les grains de riz qui vont créer des bouchons. D'ailleurs, les physiciens, ils ont trouvé une solution pour ça. Et de la même façon qu'on peut briser un flux de riz, par exemple, ou un liquide un petit peu avant le goulot d'étranglement pour dissiper son énergie et faciliter l'évacuation, l'écoulement dans ce cas-là, on pourrait mettre, par exemple, un poteau devant l'issue de secours. Un petit obstacle, un finalement. Petit obstacle. Et ça va diviser le flux de piétons et ça va faciliter l'évacuation. Et ça va donc le donc ça, c'est une découverte qui nous vient de la physique et des analogies avec les grains de sable. C'est passionnant, cette histoire de foule, justement, et on va en parler avec vous. On a toute l'heure pour cela. Ça s'appelle Fouloscopie et vous répondrez, Mehdi Moussaïd, au message des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. Donc, on se retrouve dans un instant. Merci. La Voie lactée vient de passer sur la balance et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Oui Mathieu, pas facile de peser une galaxie, surtout quand la majeure partie de sa masse est invisible et qu'on habite dedans. Pourtant, les équipes de la NASA et de l'ESA viennent de publier une estimation précise de la masse de la Voie lactée. Elle pèserait 1500 milliards de fois la masse du Soleil, ce qui donne un nombre avec une quarantaine de chiffres dedans si on veut parler en kilogrammes. Eh ouais. Ce travail a été mené grâce aux instruments Hubble et Gaïa et on en discute avec vous. Céline Rayleigh, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Institut Utinam de Besançon, d'où vous nous parlez en direct depuis les locaux de France Bleu. Alors, peser une galaxie ou estimer sa masse, ça consiste en quoi ? À quoi ressemble la balance ? Alors, la balance, c'est le mouvement des étoiles ou des astres qui tournent autour du centre de la Voie lactée. Et ce mouvement, il est en fait dû aux forces gravitationnelles et donc à la masse qui est contenue à l'intérieur de l'orbite des astres dont on mesure les distances. Donc pour connaître la masse, on mesure les vitesses. À l'intérieur, on regarde simplement tourner les objets à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. Alors plus on cible sur des objets qui sont le plus loin possible, qui sont vraiment sur les parties externes de la Voie lactée, ce qui permet d'avoir une idée de toute la masse contenue à l'intérieur. Et ensuite, il y a encore un peu des petites corrections à faire, d'extrapolation avec des modèles pour arriver à la masse totale de notre Voie lactée. Et c'est pour ça, on l'a dit au début, que les deux instruments Hubble et Gaïa sont des télescopes qui regardent tourner ces objets. Pourquoi est-ce qu'on arrive à une mesure très précise aujourd'hui ? Alors, pour deux raisons. D'une part, Gaïa et le télescope spatial Hubble donnent des mesures très très précises. Donc Gaïa, c'est très récent. Et ensuite, pour un grand nombre d'astres. Donc la combinaison à la fois de mesures précises et de nombreuses mesures permet de vraiment affiner la mesure de la masse de la Voie lactée. Alors on a le résultat maintenant. Si on compare avec les autres galaxies autour de nous, la Voie lactée, c'est plutôt un poids lourd ou un poids léger ? C'est standard. Standard. Format 4. Donc c'est de la moyenne. Donc on ne se distingue pas vraiment, hein, c'est ça ? Non, on ne se distingue pas. On est une galaxie spirale. Ça fait longtemps qu'on essaie de la peser, notre Voie lactée, Céline Rayleigh, et à quel moment on a commencé à vouloir le faire ? Alors oui, ça fait longtemps qu'on essaie de la peser, et en fait, les premières mesures qui ont été faites datent des années 70, en fait, où on s'est aperçu, avec ces mesures en utilisant les vitesses des astres, et donc c'est Vera Rubin qui a mené ses travaux et qui a montré en fait que il y avait beaucoup de masse en fait qui a priori était là, faisait tourner des étoiles mais qu'on voyait pas, qui était invisible. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça de la matière noire. Ah oui, parce que invisible. La plupart de la masse dont on parle là, c'est pas les étoiles et les planètes qu'on voit dans le ciel quand on lève les yeux alors. Non, alors les planètes, ça compte pour à peu près rien. Si vous prenez le système solaire, c'est 98% de la masse, c'est le Soleil. Mmh. Et donc les 2%, c'est les petits cailloux autour des planètes. Mais si on regarde les étoiles, ainsi que le gaz, les poussières qu'il y a entre les étoiles, on arrive à quelque chose qui est inférieur à 10% de la masse totale de la Voie lactée. Et quand nous, on regarde les étoiles la nuit, quelle proportion de cette Voie lactée on a sous les yeux ? Alors, ça se compte en quelques milliardièmes. Ouais. Donc c'est 6000 étoiles, quelques milliers d'étoiles que vous pouvez voir, sachant qu'on estime qu'il y a 160 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. et que ça compte pour moins de 10% de toute la masse de la Voie lactée. Donc les objets, vous dites, c'est 10%, et ouais. Donc le reste, les 90% qui restent, c'est quoi alors exactement? C'est un mystère, c'est encore une inconnue. Donc est-ce que c'est de la matière un peu exotique qu'on n'arrive pas à détecter parce qu'elle interagit très peu avec la matière, donc elle n'imprime pas les détecteurs? Ou est-ce que c'est les lois de la gravitation, les lois physiques qui ne sont plus correctes, enfin qu'il faut affiner et changer? Mais cependant, on arrive à estimer cette masse aujourd'hui. En quoi est-ce que ce nouveau chiffre va vous être utile à vous, les chercheurs, connaître la masse de la galaxie? Donc c'est quelque chose qui est très important pour comprendre, en fait, de comprendre quelle est la proportion de cette matière invisible. C'est important dans le cadre des études des formations des galaxies, des formations de l'univers en général. Et c'est donc une quantité qui est importante pour les modèles, ce qu'on appelle la cosmologie, les modèles cosmologiques, qui permettent de comprendre comment s'est formé l'univers, comment sont formées les étoiles, puis les galaxies dans ces halos de matière noire. Est-ce qu'à l'avenir, la masse de la galaxie peut grandir ou baisser? Est-ce que ça varie dans le temps? A priori, ça varie pas énormément. Ce qui peut se passer, c'est qu'une galaxie grossisse parce qu'elle va attirer vers elle des petites galaxies et va les manger. Mmh. Donc ça peut augmenter de quelques pourcents la masse. Après, ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer pour la Voie lactée, c'est qu'elle est en train de se rapprocher de sa voisine, la galaxie d'Andromède, qui est à peu près équivalente à la Voie lactée. Et d'ici quelques milliards d'années, elles vont fusionner pour devenir une grosse galaxie plus massive. Donc là, on passera dans la catégorie des grosses galaxies, alors? Pas des plus grosses, mais... Il en faut quand même beaucoup, hein, finalement, pour être classé. Oui, oui, c'est galaxie. Ça. En fait, donc les plus grosses, ça va être 30 000 milliards de fois la masse du Soleil, et c'est effectivement des produits de la fusion de plusieurs galaxies, comme la Voie lactée. Ah oui, on en est loin, alors, puisque si on retient un chiffre, Axel... Hein, 1500 milliards de fois la masse du Soleil. Voilà, pour notre Voie lactée. Si on veut se le caser dans un coin de la tête, voilà. On peut le retenir. Donc on est loin des 30 000 milliards, effectivement. Merci beaucoup, Céline Rélé, pour ces informations. Passez une très bonne journée à Besançon. Et puis on se retrouve demain, Axel, pour une nouvelle Une. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, avant l'apparition des symptômes, la maladie d'Alzheimer serait visible au fond de l'œil. Des changements en taille en forme de minuscules vaisseaux sanguins au fond des yeux sur la rétine pourraient être des signes avant-coureurs de la maladie. Après cette découverte faite par des chercheurs de l'université du Duke aux États-Unis, les auteurs proposent d'imaginer des tests oculaires non-invasifs appelés angiographie, des tests simples à mettre en place qui pourraient pallier le manque de diagnostic pour prédire cette maladie dont les signes évoluent très lentement. Un ver marin incapable de faire repousser sa tête, appelée Tubulanus sex lineatus ou ver ruban, c'est une bien étrange créature. Carnassier, doté d'une langue collante et toxique, ce ver chasse les petits mollusques ou crustacés qui passent à sa portée. Et selon une récente étude menée sur 4 espèces, ce ver serait aussi capable donc de faire repousser sa propre tête en cas de décapitation, y compris du cerveau. Une capacité unique dans le règne animal que les chercheurs comptent bien maintenant étudier en détail. Et puis pour terminer, notez que nous sommes dans la 8e semaine des maths jusqu'au 19 mars, qui a pour thème cette année « Jouons ensemble aux mathématiques », avec des rendez-vous partout en France. Notez parmi eux, par exemple, demain, l'association Les Maths en Seine organise son festival à Castanet-Tolosan, près de Toulouse. Pour la 3e année et pendant 3 jours, les scolaires, plusieurs dizaines d'ateliers, des conférences de vulgarisation et de spectacles variés vous attendent autour des maths. Et au sujet de la semaine des mathématiques, toutes les infos des manifestations sont sur le web. La science des foules, dans un instant, dossier de la tête au carré. Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back, nothing's lost. There's begging, heartbreakers. I don't wanna be that way. I don't wanna feel this way when I meet someone. I don't want to need no one. I'm not trying to let you in. One, c'était la voix de Georgia Smith. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Mehdi Moussaïd, invité de la tête au carré pour parler d'un sujet passionnant, les foules. Vous êtes chercheur en sciences cognitives au Max Planck Institute à Berlin et donc vous publiez ce livre Fouloscopie aux éditions Humaines Sciences et les auditeurs ont déjà beaucoup de questions à vous poser d'ailleurs sur votre travail qui consiste à comprendre le comportement des foules. Franceinter.fr bien sûr et le mot-clé Natac pour nous retrouver. Est-ce que à titre personnel, Mehdi Moussaïd, vous avez un souvenir de foule? Parce qu'en lisant votre livre, moi je me suis souvenu d'un souvenir d'enfance perdu justement dans la foule quand on a perdu ses parents, un souvenir un peu traumatisant. Est-ce que vous en avez un autre? Et oui, il y a des souvenirs positifs et négatifs. Ouais. En plus traumatisant, je citerai le Nouvel An de l'an 2000 à Paris, sur les Champs-Élysées. Ah ouais, très bien. Il y a vraiment beaucoup. C'est vrai. Ouais, effectivement. Et c'est la première fois que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, presque en danger, au milieu d'autres gens. Ouais. Et puis des souvenirs plus positifs, parce que la foule, c'est vraiment dans tous les extrêmes, quoi. Ouais. Plus positif, on peut imaginer être au milieu de milliers de personnes et de chanter à l'unisson un morceau, par exemple, en attendant un concert ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai. La musique, c'est quelque chose qui est aussi très, très émotionnel. Et ça vous met les poils. Ouais. Rose Anne nous écrit, depuis toujours, dit-elle, je n'aime pas la foule, elle me fait peur, car les êtres humains redeviennent l'animal que nous avons en nous, ils suivent celui ou celle qui devient le chef de la meute. Alors, il y a deux aspects finalement, la foule qui fait peur, et puis le chef de meute. C'est vrai que c'est souvent perçu d'une façon assez péjorative ou inquiétante, la foule. Ouais, la foule a mauvaise réputation, ça c'est sûr. Et je dis souvent aux gens qui sont un peu phobiques de la foule, qu'en apprenant à la connaître finalement, en faisant face à sa peur d'une certaine manière, ça va beaucoup mieux. Enfin moi en tout cas personnellement ça va beaucoup mieux. Et maintenant je sais précisément comment ça fonctionne, je sais exactement où est le danger, à quel moment il y aura danger, à quel moment il y en a pas, et ça aide du coup à appréhender ses phobies. Vous citez d'ailleurs dans votre livre un individu qui a fait une sorte d'étude des foules en allant dans les concerts de hard rock et de métal d'ailleurs, des centaines et des centaines. Hein. Il se plaçait toujours à l'endroit le plus critique pour la foule, hein, c'est ça? Il s'agit de Paul Wertmeyer. C'était pas un chercheur, c'est un entrepreneur qui a une entreprise de conseil en gestion de foule et qui a cette méthode assez étrange d'aller se mettre lui-même en danger en quelque sorte. Donc il va chercher toujours les foules les plus denses et il va aller se mettre au milieu. Puis il a fait une petite vidéo où il explique comment il fait. Donc il s'équipe d'abord, il met des bottes renforcées par exemple, des choses comme ça. Et puis il essaie de voir quelles sont la meilleure façon de sortir d'une foule en situation délicate. Ouais. Dominique nous écrit en disant la psychologie des foules est étudiée depuis longtemps, en particulier depuis Gustave Le Bon. Que nous apprennent les travaux récents? Alors bon, on peut faire quasiment toute l'émission avec cette simple question. Ouais, c'est une question très vaste et très riche. Qui était Gustave Le Bon? Gustave Le Bon, c'est le père de la psychologie sociale. Donc on est au 19e siècle et puis c'est un intellectuel qui a écrit en particulier cet ouvrage majeur qui s'appelle La psychologie des foules en 1895. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'on décrit le comportement et plus particulièrement la pensée dans son cas de la foule de manière scientifique. Et c'est un ouvrage très important qui dresse les bases de la psychologie sociale. Oui. Il avait une thèse particulière pour en parler? Donc dans l'ensemble, c'est assez négatif. Donc on parle plutôt de bêtises collectives que d'intelligence collective dans son cas. Et même presque exclusivement en réalité. Il a cette phrase très connue qui est que le tout est plus que la somme de ses parties. Donc en fait que quand on met un ensemble d'individus les uns avec les autres, on va se retrouver avec un tout qui est plus que la somme de ce que peuvent apporter tous les individus. Donc aujourd'hui on appelle ça l'émergence, donc il y a un mot-clé qui est apparu pour ça. Ce qu'on a découvert depuis Le Bon, c'est que il y a une autre face à la foule. Il n'y a pas juste la bêtise collective, il y a aussi une forme d'intelligence collective. Il y a les deux en réalité qui cohabitent et on essaie de comprendre, en particulier aujourd'hui, c'est un thème de recherche qui est assez fort, dans quelles conditions la foule va être amenée à faire des choses négatives, à devenir folle, et dans quelles conditions elle peut être intelligente, au contraire. Ouais. Alors on n'a pas répondu à la deuxième partie de la question de Rose Anne tout à l'heure sur la partie animale que nous avons en nous et le chef de meute qu'elle décrit dans son message. Alors, c'est en particulier des recherches qui sont effectuées en éthologie, avec les modèles d'animaux sociaux, comme les troupeaux de moutons, par exemple. Ouais. Vous avez des chercheurs qui vont se demander, est-ce que dans un groupe, il peut y avoir une certaine proportion d'individus qui seraient capables d'entraîner tout le groupe dans une certaine direction, donc des leaders, en quelque sorte. Et puis, il y a des expériences qui ont été conduites, qui sont très intéressantes, où on va entraîner un individu, par exemple, parlons d'un troupeau de moutons, on va entraîner un mouton à se déplacer dans une certaine direction, par exemple. exemple, seul, isolé des autres. Puis on va remettre le mouton conditionné dans son troupeau. Et puis on va voir cette fois-ci si, en se déplaçant, il est capable d'entraîner tout le groupe derrière lui. Et alors ? Alors ça marche à condition que le groupe soit suffisamment petit. Lorsque le groupe est plus grand, il faut mettre plus de leaders, donc plus de moutons. Et en réalité, il y a une certaine proportion qui émerge, qui est autour de 5%. Entre 5 et 10% du groupe serait suffisante pour entraîner tout le groupe dans une certaine direction. Ouais. Là, on parle d'animaux. Il y a des expériences qui ont été faites avec les humains aussi, avec des piétons, des expériences plus contrôlées, un petit peu plus conceptuelles, où effectivement, on donne à des piétons des instructions particulières qui ne sont de pas communiquer avec les autres verbalement, mais seulement d'essayer de les entraîner par le mouvement, par le déplacement dans une certaine direction. Mmh. Et à nouveau, on converge vers ce pourcentage de 5% d'individus. Alors, Mehdi Moussaïdou dit que quand on commence à mettre le nez dans ce type d'études scientifiques, on devient complètement obsessionnel de la foule et du piéton. C'est-à-dire que quand on commence à observer ce qui se passe autour de nous, on regarde systématiquement les interactions entre les individus, par exemple, qui se croisent sur un trottoir. Effectivement, les gens qui me connaissent me disent souvent qu'ils ont tendance à devenir un petit peu fous maintenant quand ils sont dans la foule parce qu'ils regardent le comportement de tout le monde autour d'eux. En ce qui me concerne, vous pouvez imaginer que c'est encore plus intense et que moi, ça devient une déformation professionnelle assez forte, que ce soit quand je me déplace dans la rue ou même quand je suis sur Internet et que je vois des rumeurs qui circulent ou des choses comme ça, je vais tout de suite avoir mes réflexes de chercheurs qui vont apparaître. Alors, vous faites bien en parler parce que c'est une autre partie justement du travail, hein, la façon dont se répand aussi par exemple l'information sur Internet qui agit finalement aussi comme un groupe d'hommes humains. C'est un petit peu ça le parallèle qu'on peut faire, hein. C'est exactement ça. Quand on étudie le déplacement des piétons, par exemple, on va s'intéresser beaucoup aux informations qui circulent entre les gens. Nous, on échange beaucoup d'informations quand on marche dans la rue. On s'en rend pas nécessairement compte. Ce sont des informations visuelles qu'on communique à nos voisins de manière involontaire. Par exemple, le fait simplement de ralentir indique à mes voisins qu'il y a peut-être un ralentissement. Mmh. Ou le fait de m'enfuir en criant va communiquer à mes voisins l'information qu'il y a peut-être un danger. Donc, il y a ces informations qui s'échangent entre les piétons, entre les individus, qui vont avoir une influence immédiate sur leur comportement. Et bien cette même optique d'aller voir comment circulent les informations, on peut aussi l'appliquer non pas entre des piétons, mais entre des internautes, par exemple, sur le web. Et ça va déterminer comment l'opinion collective, par exemple le jugement des internautes, et c'est aussi une branche qui va étudier la propagation des rumeurs et des fake news. On en parlera avec vous dans la dernière partie de l'émission. Alors au sujet justement des piétons, la façon justement dont on peut se croiser, s'éviter, parce qu'évidemment c'est ça le but, hein, c'est de ne pas rentrer tout le temps dans la personne qu'on a en face de soi. C'est tout à fait étudié et pour l'illustrer, on va écouter un son de la chaîne National Geographic qui fait régulièrement des tests dans une émission qui s'appelle Full Sous Contrôle. Cette salle se remplit d'étudiants venus s'inscrire à différentes associations. Est-ce que bloquer la sortie fera sortir les gens plus vite ? Un expert en sécurité incendie est là pour veiller au bon déroulement de l'opération, mais il est perplexe. On veut que les gens quittent le bâtiment le plus vite et le plus efficacement possible. Mettre quelque chose devant la porte pourrait poser problème. Nos étudiants sont prêts ? Nous allons pouvoir déclencher l'alarme. Les 60 étudiants ont mis 17 secondes à évacuer le bâtiment. C'était très fluide. L'obstacle a divisé la foule dès le départ et ils ont formé deux files jusqu'à la porte. J'ai été surpris de voir le groupe se séparer devant l'obstacle et se répartir de part et d'autre de la porte si vite. Pensez-vous que ce sera plus rapide sans l'obstacle ? Je pense, oui. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Alors ? Ça a pris plus de temps. Cette fois, les 60 personnes ont mis 20 secondes à sortir. Ça fait 3 secondes de plus et c'est environ 18% moins rapide que lors de la première expérience. C'est incroyable. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Ça a marché. Voilà Mehdi Moussaïd. Alors vous avez d'ailleurs une chaîne YouTube sur laquelle on peut voir aussi des vidéos qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vient d'entendre. Ouais, de ce même extrait en réalité. Ah c'est ça, c'est le même. On voit les bonnets rouges, c'est ça, sur la tête des personnes qui essayent de sortir d'une pièce. Alors, c'est pas celui-là. Celui-ci, c'est une vraie expérience en l'occurrence. C'est pas un documentaire, mais effectivement, il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites dans ce domaine. Donc ça rejoint un petit peu l'exemple que vous nous citiez tout à l'heure des grains de riz, précisément quand on met un obstacle pour ralentir la sortie. Ouais, c'est exactement cette idée-là. C'est le fait de mettre un obstacle de quelques mètres devant une issue sortie de secours pour diviser le flux de piétons. Et donc ça, ça va avoir comme conséquence de faciliter l'évacuation. C'est très contre-intuitif, mais ouais, ça marche pas mal. C'est vrai. Est-ce que c'est mis en place justement dans les lieux publics aujourd'hui ou pas? Non, c'est pas mis en place dans les lieux publics, pas à ma connaissance. Encore que je reçois quelques photographies d'amateurs qui me montrent des cas qui ressemblent un petit peu. Ouais. Mais à ma connaissance officiellement, c'est plus une découverte qui reste conceptuelle parce qu'elle, en fait, elle a aussi des effets secondaires. Peut-être que l'obstacle pourrait masquer, par exemple, la position de l'issue de secours. Et, ouais. Donc, il faut que les recherches soient un petit peu plus développées pour voir quelles conséquences ça pourrait avoir. Mais ça pourrait participer aussi à faire évoluer les mesures de sécurité dans les lieux publics, par exemple. Et tout à fait. Et c'est une ligne de recherche qui est très intéressante, qui consiste à se demander comment on pourrait adapter notre environnement urbain pour faciliter le confort de marche ou la sécurité des gens, sans nécessairement aller parler aux gens et leur expliquer, mais juste en faisant des modifications comme ce poteau qui pourrait faciliter les choses. Mehdi Moussaïd, vous avez regardé des heures de vidéos de piétons en train de se croiser, ça fait partie du boulot, ça, du scientifique. Et surtout du doctorant scientifique. Maintenant, ce sont plutôt mes étudiants qui vont le faire. Mais effectivement, mes premières années, je passais beaucoup de temps à regarder soit les expériences qu'on a conduites, qui sont par définition très répétitives, parce qu'il faut les faire avec un échantillon suffisamment grand. Bien sûr. Donc on regarde les vidéos encore et encore. Je regardais par exemple les webcams, vous savez, je crois qu'il y en a plus trop maintenant, mais les webcams qui diffusent en direct le centre urbain de différentes villes du monde. C'est le meilleur moyen de voir des piétons se croiser. Voilà, par exemple. Donc je me souviens de regarder les webcams branchées sur Times Square à New York, par exemple, et de regarder et de noter un par un de quel côté s'évitent les gens. Ouais. Et alors, quelle est la réponse? Parce que vous nous dites, les passants ont trouvé un moyen astucieux justement de ne pas se cogner. Il y a un côté préférentiel, Il y a un côté préférentiel. Alors c'était le tout premier projet que j'ai conduit pendant mon doctorat qui consistait à se poser la question comment s'évitent deux piétons qui arrivent face à face sur le trottoir, sur un trottoir un peu étroit. Alors au début, c'est une question qui me paraissait un petit peu insignifiante finalement, qu'on passe à droite ou à gauche, bon, ça a que assez peu d'importance. Mais en réalité, non, c'est un problème de sciences cognitives qui est assez intéressant parce que les deux piétons qui vont se croiser doivent nécessairement choisir le même côté. Bien sûr. S'ils choisissent tous les deux la droite, ça passe, tous les deux la gauche, ça passe, mais s'ils choisissent un côté différent, ils vont entrer en collision. Or, les deux piétons qui arrivent n'ont que quelques secondes pour décider et ne peuvent pas communiquer. Donc, a priori, ils pourraient choisir qu'au hasard. Et s'ils choisissent au hasard, ils vont se rentrer dedans une fois sur deux. Donc, on se rentre pas dedans une fois sur deux, que je sache. Il doit y avoir par conséquent un autre mécanisme en jeu qui permet aux piétons de se coordonner dans cette situation. On a donc fait une expérience, on a construit un couloir, un couloir expérimental, et puis on a recruté des paires de participants et on leur a demandé de se croiser, tout simplement. Ouais. Et on a observé à chaque fois comment ils faisaient pour se coordonner. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de communication entre les deux individus. Les piétons choisissent le côté d'évitement presque immédiatement, presque spontanément, au premier pas, sans se regarder. Et en France, ils choisissent de passer à droite. Ouais. Dans d'autres pays, ils vont choisir de passer à gauche. Et en fait, on appelle ça une convention sociale. C'est une règle comportementale implicite qui est partagée par l'ensemble de la population et qui va permettre aux piétons, en l'occurrence ici, de résoudre un problème de coordination. Mais c'est culturel? Ça équivaut à quoi en réalité alors? Alors c'est culturel puisque dans différents pays, on a différentes préférences. Ouais. La question qui arrive immédiatement derrière, c'est pourquoi? Alors pourquoi? D'où vient cette règle? Pourquoi on l'a? Une des premières hypothèses, c'était que ce soit une copie du code de la route. Ouais. Donc les piétons s'évitent par la droite parce que les automobilistes roulent à droite. Et effectivement, il y a une corrélation assez importante entre le côté d'évitement et le code de la route, mais c'est juste une corrélation. Il y a aussi des contre-exemples. Par exemple, au cœur de Londres, sur Oxford Street, les piétons vont s'éviter plutôt à droite alors que les automobilistes roulent à gauche. Et en fait, c'est un mélange de beaucoup de choses et le mécanisme principal, c'est un apprentissage social. C'est-à-dire que les piétons, enfin les êtres humains en l'occurrence, sont capables d'apprendre de quel côté il vaut mieux passer juste à force de s'éviter, de rater, de réussir. Et cet apprentissage social, il est biaisé par notre connaissance du code de la route. Donc il y a une corrélation, mais c'est surtout un processus cognitif en réalité. Voilà, l'étude de la foule, c'est le dossier de la tête au carré. Cet après-midi, Mehdi Moussaïd est notre invité. Déjanté sur ton corps animal, dans cette chambre où les nuits durent pas plus. Souvenir de l'année 1982 avec Hubert Félix Thiéphaine. La tête au carré sur France Inter. Mehdi Moussaïd, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, avec des dessins de Wozniak, on peut le saluer aussi. Hein. Oui, très beau dessin. On peut les retrouver sur votre site internet. Humaine Science pour l'éditeur de votre ouvrage. On a des messages des auditeurs. Un témoignage de Élodie qui a vécu une expérience de foule merveilleuse, dit-elle à Toulouse, le soir du mois de mai 1981, lorsque Mitterrand venait d'être élu. Toutes les rues du centre-ville de Toulouse débordaient de monde, une marée humaine telle que je n'en avais jamais vue. Il y avait une ambiance de joie intense. On avait vécu si longtemps sous les présidents de droite, changé. C'était vraiment enivrant. Voilà, donc un bon souvenir de foule pour Élodie. Patrice nous dit, les foules ne sont-elles pas très différentes selon leur motivation entre une foule qui manifeste pour revendiquer ou une foule justement festive? Il doit y avoir une très grande diversité de comportements et d'incidences. Ça, c'est étudié aussi, le caractère des foules? Dans une certaine mesure. Ce qui se passe surtout, c'est que ce qu'on sait, c'est que lorsqu'un grand nombre d'individus se réunissent, on va avoir tendance à avoir une amplification du motif de leur rassemblement. Ouais. Donc, si ce sont des gens en colère, par exemple, vous allez avoir une amplification de cette colère et ça peut conduire à des dérives violentes, par exemple, pendant les manifestations. Si c'est une foule euphorique, par exemple, après la victoire de la France en Coupe du Monde sur les Champs-Élysées, eh bien, vous allez avoir une euphorie extrême. Mais d'une manière générale, le fait d'être ensemble, ça agit un peu comme une loupe. Ça va juste avoir tendance à amplifier le ce qui nous a rassemblés. Mais dis-moi, Saïd, il y a une autre question de Thierry. Comment expliquer qu'un seul homme politique ou dictateur puisse réunir des masses de populations si importantes observées trop régulièrement? Alors ça, c'est intéressant aussi. On étudie ça, le pouvoir attractif d'un humain. Un petit peu moins. Ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va être dans des problématiques ici de contagion sociale surtout, à savoir que lorsqu'une personne ou qu'un objet, puisque c'est aussi ce qui peut se produire avec un produit commercial, par exemple, on peut avoir des foules qui se rassemblent autour d'un produit. On avait vu les émeutes Nutella, on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça. Par exemple, oui. Eh bien, vous allez avoir, s'il y a une masse critique d'individus qui suit cette personne ou cet objet, vous allez avoir un effet de contagion sociale, comme si l'attraction vers cette personne allait se propager de proche en proche pour pouvoir attirer un grand nombre de personnes. Ce qui intéresse beaucoup d'ailleurs les experts du marketing viral qui vont se demander comment faire pour... Il y a un message de Corinne qui est chouette là. Elle nous dit, en vous écoutant, je pense à ma surprise, des toutes petites ruelles d'un marché au Ghana où les gens transportaient toutes sortes de choses sur la tête, se croisaient sans même se regarder. Je me rappelle avoir été surprise car le moindre choc entre deux personnes aurait pu entraîner des drames, pertes de marchandises. Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais il arrive parfois que les piétons, évidemment, se cognent entre eux, et puis d'autres fois où c'est hyper bien organisé, mais spontanément, c'est pas appris ça. Ouais. L'évitement par la droite dont on parlait tout à l'heure marche pas à tous les coups. Hein. Parfois, il peut y avoir ce qu'on appelle des défauts de coordination où les deux individus vont choisir un côté différent. Ça nous est tous arrivé de cogner dans quelqu'un. Une fois ou deux, effectivement. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que quelques secondes plus tard, les deux vont être proches d'une collision et vont avoir tous les deux le même réflexe qui est de changer de côté. Ils vont avoir le même réflexe en même temps et vont se retrouver à nouveau dans la même situation, exactement, mais avec une pression un peu supplémentaire. Et ils vont osciller comme ça de gauche à droite jusqu'à s'arrêter un moment en souriant d'un air un petit peu gêné. Ouais. Ce qui se passe souvent. D'ailleurs, moi, je regardais souvent mes vidéos en accéléré, et quand cette situation se produit, c'est presque un peu poétique parce qu'on a l'impression de voir deux personnes qui se mettent à danser dans la foule face à l'autre. Dans l'évitement, en fait. Ouais, dans l'évitement, du corps. Hein, c'est ça, de sautiller à droite, à gauche. D'ailleurs, avec mes collègues, on appelait ça la danse des piétons. Eh bien, voilà. Et juste pour terminer sur cette structuration, donc effectivement, le fait que les gens s'évitent par la droite, c'est quelque chose qui concerne l'individu, le piéton, mais qui va avoir aussi des répercussions à l'échelle collective, à l'échelle de la foule. Ouais. Lorsque vous avez cette fois-ci non pas deux piétons, mais deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé, comme dans une rue commerçante, par exemple. On a fait des observations sur la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, qui est une énorme artère piétonne. Ce qui va se produire, c'est qu'à force de s'éviter par la droite, les deux flux opposés vont avoir tendance à se séparer, comme s'ils avaient décidé de partager l'espace disponible. Et tous ceux qui se déplacent dans la même direction vont occuper une moitié de la rue, ceux qui se déplacent dans le sens opposé vont occuper l'autre moitié. Cette structuration qu'on appelle une autoroute de piétons, a des conséquences tout à fait positives puisqu'elle va avoir comme effet d'améliorer la qualité du trafic piétonnier, ouais, spontanément, c'est sans ça que personne ne l'ait décidé. Et c'est la même chose au Ghana, alors, pour reprendre l'exemple de Corinne dans son message, Très certainement, ouais, c'est sûrement la même chose. Alors la foule, quand elle devient folle, les phénomènes de turbulence, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, mm-hmm, ça aussi c'est évidemment un objet de recherche très très important, mm-hmm, on va l'illustrer tout de suite avec un son d'archives absolument dramatique dont tout le monde se souvient. Ça s'est passé à l'occasion de la Love Parade en Allemagne, et c'était en 2010. Un cauchemar. Étouffé par la foule, piétiné, alors qu'ils étaient venus faire la fête. Il est presque 17h, les jeunes chantent encore. À l'intérieur du tunnel, personne ne se doute que doucement, le piège se referme sur eux. Ils sont plusieurs centaines de milliers à essayer de pénétrer sur le site. Les accès sont étroits, la pression énorme. Pour se dégager, certains essayent d'escalader ces murs, hauts de plus de 10 mètres. Ils sont trop nombreux. Certains tombent. La foule panique. Le service de sécurité semble alors bien inutile. Ça a été la panique absolue. On ne pouvait plus bouger, ni avancer, ni reculer. On était impuissants. Il n'y avait aucune issue de secours. D'un côté, les participants continuaient d'arriver par les deux tunnels qui menaient à la Love Parade. De l'autre, sur la grande esplanade, une foule tellement dense qu'elle forme un mur vivant. Entre les deux, plus d'oxygène, plus de place, des corps sont piétinés, ce qui peuvent les tirer inconscients le plus loin possible de la foule. Les policiers eux-mêmes parlent d'un enfer. Voilà, Mehdi Moussaïd, Düsseldorf, hein, en 2010. Je rappelle... Duisburg. Ah pardon, donc ça n'est pas au même endroit, et vous travaillez donc au Max Planck à Berlin. C'est un exemple, un sujet de recherche qui a beaucoup marqué les chercheurs dans votre domaine, ça, justement, ce qui s'est passé là-bas. C'est un cas de bousculade qui a effectivement beaucoup marqué, qui a été très étudié, en particulier parce que les organisateurs de ce festival ont été très transparents après le drame, ouais, et ont en particulier partagé toutes les images de vidéosurveillance, par exemple, avec tous les laboratoires qu'ils demandaient. Vous pouvez, ouais, même en retrouver un documentaire explicatif sur YouTube, par exemple. Donc ce qui a permis d'expliquer, de comprendre tous les mécanismes qui ont conduit justement à cette tragédie. Ce qui a permis d'avoir quelque chose de très rare, ce sont des données. Et les données sur ce genre d'événement, c'est effectivement très difficile de s'en procurer. La toute première fois qu'on a pu avoir des données, c'était lors d'un autre accident qui s'est produit, lui, à la Mecque, ouais, lors du pèlerinage musulman, et c'était en janvier 2006, qui a fait 362 victimes. Et cet accident a été filmé par des caméras de vidéosurveillance, et les images ont été envoyées jusqu'à Zurich, dans le laboratoire où je débutais mon doctorat. Ouais. Et ce sont en particulier grâce à ces images, là c'est vraiment un moment charnière, c'est en particulier grâce à ces images qu'on a compris et identifié pour la première fois l'existence d'un phénomène donc qui s'appelle des turbulences. Oui. C'est un phénomène qui se produit spontanément lorsque la densité d'individus atteint un seuil critique qui est situé autour de 6 ou 7 personnes par mètre carré. Oui. Et qui se caractérise par des vagues de bousculade. Pour décrire de manière simple, lorsqu'on est très serré les uns contre les autres, si je bouscule mon voisin de droite, il va bousculer son propre voisin de droite qui va bousculer son propre voisin de droite, etc. Et ça crée une vague de bousculade qui va se propager comme ça à travers la foule et qui va faire subir aux gens qui se trouvent là des pressions physiques écrasantes. Mmh. Et ce phénomène de turbulence a été ensuite observé, par exemple, sur les images de la Love Parade. Oui, alors vous expliquez que, par exemple, à la Mecque, à l'entrée du pont Jamarin, qui permet d'accéder justement à la Mecque, la densité, parfois, a atteint 9 personnes au mètre carré. Alors vous donnez une image, hein, ça correspond à 38 individus sur une table de ping-pong. Voilà. Par exemple. Donc on se rend compte à peu près de ce que ça représente. Hein. Et sur ces mécanismes, justement, qu'est-ce qu'on a appris précisément qui provoquait ces mouvements de foule et ces accidents mortels, hein? Il y a plusieurs enseignements à en tirer. Celle qui m'a le plus marqué, c'est que c'est un phénomène qui est vraiment mécanique, ouais, donc qui s'explique avec de la physique. Donc c'est de la turbulence, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Oui, hein. Oui, c'est une analogie avec la mécanique des fluides. Ouais. Et c'est vraiment de la physique. Souvent, on a tendance à mettre en cause le comportement des individus. En particulier, si c'est à la Mecque, ouais, on va avoir tendance à dire que c'est le fanatisme religieux. Ou à la Love Parade, on va dire que c'est jeunes qui prennent de la drogue, ouais, et de l'alcool, etc. Ou autour d'un stade de football, on va dire, les supporters de foot, vraiment, c'est tous les mêmes. Mais en réalité, c'est juste de la physique. C'est ça qui m'a le plus marqué. C'est la physique des corps. Ouais, en fait. C'est la physique des corps. Ouais. Ouais. Mm. Et ça, c'est inévitable au fond. À partir du moment où les densités critiques sont atteintes, ça devient mécanique. Effectivement, ouais, c'est inévitable. Donc, ce que l'on donne comme consigne aux organisateurs, c'est vraiment de contrôler la densité pour éviter l'apparition de ce phénomène. Ouais. Vous citez une phrase. Hein, vous écrivez: quand la foule est trop dense, elle s'auto-détruit. Mm. Il y a quelque chose d'effrayant quand même dans cette phrase. Hein. Ouais. Il y a quelque chose d'effrayant. Et puis il y a aussi cette image que de voir la foule comme une créature, comme un tout, comme une seule unique créature qui serait trop serrée, puis qui aurait comme réflexe de s'autodétruire. Stéphane sur franceinter.fr nous dit: au Stade de France, la fluidité de l'évacuation des spectateurs est notamment favorisée par des rambardes divisant les escaliers dans la largeur et par le fait que les escaliers sont plus larges en bas qu'en haut. Ça, c'est vraiment de l'architecture qui est étudiée. Ouais. C'est vraiment de l'architecture et c'est le genre de changement dans notre environnement urbain qu'on peut imaginer. Ce sont des choses, des enseignements qu'on tire principalement des modèles de simulation. Donc moi, mon travail, ça va être de comprendre comment se déplacent les gens, comment se comporte la foule, et de construire un modèle de simulation avec lequel on peut faire des prévisions, comme on ferait des prévisions météo. Sauf que là, cette fois-ci, ça va être des prévisions de foule. Et avec ce genre de modèle, on peut manipuler l'environnement et voir que, ah tiens, ça marche mieux quand on met un obstacle ici ou quand on met des rambardes, par exemple, plus larges vers le bas que vers le haut. La propagation des information, la contagion sociale, ça fait aussi partie de vos objets d'étude, Mehdi Moussaïd. On en parle dans un instant dans La Tête au Carré. D'autres messages pour vous sur franceinter.fr. Par où commencer ? Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée. Mes rêves ne cessent de me hanter. Tu es le secret que j'ai gardé. Il suffisait d'y croire. Nous aurions pu courir le monde comme deux âmes vagabondes. Tu es ma lumière dans le noir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. Que je perds encore un autre coup de tête. Oh, c'est un rêve éphémère dont seul toi tiens les rênes. Il suffisait d'y croire. J'entends le château qui s'effondre, abandonné sous les décombres. Pour toi, ce n'est qu'un au revoir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Rien n'est prévu. Je vois la fin. Je vois la fin avant le début. Rien n'est prévu. Je vois la fin. Je vois la fin avant le début. Tôt ou tard, c'était Ellie Rose. La Tête au Carré sur France Inter. Mehdi Moussaïd avec Fouloscopie, c'est ce livre passionnant, Ce que la foule dit de nous, qui est paru donc chez Humaine Science avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Aurélien nous dit ceci: est-ce qu'il serait possible de connaître les facteurs influençant la vitesse des foules venant de Nouvelle-Calédonie? J'étais surpris de la vitesse à laquelle les gens marchent en ville. Alors, on ne sait pas quelle vitesse c'est exactement, mais est-ce qu'il y a ça selon les populations? Et il va y avoir deux facteurs. Le premier, c'est un facteur plus culturel, donc celui probablement que notre auditeur mentionne ici, ouais. À savoir que dans certains pays, on va marcher plus vite que dans d'autres. Et je ne pourrais pas vous dire vraiment pourquoi. Ouais. Mais le facteur auquel on va plus s'intéresser en recherche, ça va être le niveau de densité en réalité. Il y a un lien direct, ouais, entre le niveau de densité d'individus et la vitesse de déplacement. Ouais. Mohamed nous dit: je pense vraiment que chaque piéton évalue la vitesse de celui qui arrive en face pour évaluer s'il se pousse ou non. Et j'ai l'impression que celui qui ira plus vite se poussera plus que l'autre. Ouais, c'est amusant. Il y a tout un tas d'échanges entre les piétons piétons qui sont implicites, qui déterminent qui va se pousser et qui va s'écarter sur le côté. Ça passionne le piéton, parce qu'on parle des foules, mais on revient toujours au piéton finalement, à l'individu. Alors vous, c'est le collectif finalement aussi qui vous intéresse. Frédérica, les dernières questions là-dessus nous dit « Je suis allemande et j'observe qu'en France, les piétons s'évitent par la gauche, tandis que j'évite systématiquement par la droite. Est-ce juste ?» Pour autant que je sache, les piétons s'évitent par la droite en France. Oui, même en France, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Mehdi Moussaïd, l'étude de la propagation des informations, des émotions aussi, des idées, ça rentre dans votre champ de recherche? Oui, tout à fait, ça rentre dans, dans mon champ de recherche. Donc, quand on parle de foule et de piétons, ce sont surtout des déplacements, les comportements, ces déplacements, on les mesure en mouvement. Mais on peut aussi mesurer un changement d'opinion, par exemple, ou un changement de jugement, ou un changement d'émotion. Et c'est finalement, le cadre théorique va rester le même. C'est juste qu'on remplace un déplacement par un jugement ou une opinion. Et dans ce cas, les réseaux sociaux sont ultra précieux pour faire ces études. Très précieux, très très précieux. On va mesurer en particulier la propagation des informations. Un buzz, par exemple, c'est un vrai sujet d'étude. Comment se propage un buzz? Oui, c'est un vrai sujet d'étude. Il y a, depuis, sur les dernières décennies, les 10 dernières années, il y a un volume de recherche qui a été produit qui est ébouriffant. Effectivement, où les chercheurs vont chercher à comprendre mais pourquoi un produit qui est mis sur le marché va être aussi va autant intéresser les foules alors qu'un autre va rester ignoré par exemple. Il y a de la buzzologie alors presque. Il pourrait y avoir de la buzzologie. On se rend compte de plus en plus que le hasard joue un rôle extrêmement important dans ce cas-là. Ah bon? Oui, c'est surtout une dynamique sociale qui va se mettre en place ou non et qui va dépendre d'une multitude de petits facteurs que pour l'instant on va caractériser de hasard probablement parce qu'on les comprend pas encore très bien. Ouais. Donc c'est très dur de prédire ou d'organiser un buzz à l'avance? Aujourd'hui, c'est impossible. Ah, c'est vrai? Il n'y a pas de recette pour ça? Il n'y a pas de recette pour ça. Pourtant, dans votre livre, vous citez quand même des petits malins, comme aux États-Unis pendant la campagne américaine, qui ont produit des journaux avec de fausses informations, et qui ont, à leur manière, quand même créé des buzz. Oui, et là, en l'occurrence, ils ont noyé le marché, si on peut parler d'un marché, en l'occurrence, avec avec un flot continu de fausses informations pendant plusieurs mois. Donc là, on est en train de parler de la campagne présidentielle américaine de 2016-2017. Pendant laquelle il y a eu cette émergence du problème des fake news. Et il y a des chercheurs qui se sont demandé, mais des journalistes aussi surtout, qui se sont demandé, mais c'est bizarre, d'où viennent ces fausses informations qui noient le Facebook américain? Et en retraçant l'origine des ordinateurs et des sites web qui émettent ces fake news, on s'est rendu compte qu'elles venaient toutes d'une un certain nombre d'entre elles, d'un petit village de Macédoine qui s'appelle Vélès. Et des reporters sont allés sur place et ils ont vu que c'était des adolescents qui propageaient ces fake news. C'est assez bizarre pourquoi des adolescents de Macédoine seraient impliqués dans l'élection présidentielle américaine. Et en fait, leur objet, c'était principalement financier. En fait, ils ont créé des sites web avec des publicités. Et puis, pour rentabiliser cette publicité, il faut attirer du monde. Et pour attirer du monde, il n'y a rien de mieux qu'un petit ragot qu'on pourrait propager sur fake news, sur Facebook. Illustration de la campagne, justement, américaine autour des fake news. Leur plus belle victoire, la dernière campagne américaine. Sur les réseaux sociaux, les 20 fake news les plus populaires ont été partagées et commentées par 8,5 millions d'internautes. Voici ce qui circulait pendant la campagne. Le témoignage d'un homme qui aurait été payé 3 500 $ par les démocrates pour manifester contre Trump. Un faux, plus vrai que nature. Mais le petit malin derrière ces lignes s'appelle Paul Horner. Toutes les fake news qu'il a écrites durant la campagne ciblaient les démocrates. Plagiant de vrais sites d'information, ces titres étaient des aimants à clic. Le président Obama fait de septembre le mois des musulmans. Un agent des services secrets révèle « Obama est gay et musulman ». Hillary Clinton déclare « Obama devrait accueillir deux fois plus de réfugiés musulmans ». Une petite obsession pour l'islam, car il sait exactement ce qui va mettre le feu aux poudres. D'après lui, les antidémocrates sont ceux qui relaient le plus d'informations sans les vérifier. Je les voyais poster des trucs débiles. Les fanatiques de la Bible ou de n'importe quelle autre religion, les supporters de Trump et l'extrême droite. Voilà, Mehdi Moussaïd, avec d'autres exemples, hein, les faux bulletins de vote concernant Hillary Clinton, mais tout ça, c'est très préjudiciable quand même. Hein. Mmh. Ouais, on est totalement dans le domaine de la manipulation des foules. Donc, on parlait des piétons tout à l'heure en disant que si on adapte notre environnement urbain, on peut conduire une foule en déplacement dans une certaine direction. Ben là, on est un peu dans les mêmes dynamiques où cette fois-ci, on va diffuser des informations qui sont complètement fausses pour entraîner le jugement collectif et non pas le déplacement collectif dans une certaine direction. Ouais. Et effectivement. Et là-dedans, le mensonge s'en sort très bien. S'en sort très très bien. En effet, il y a des études récentes qui ont montré, par exemple, que les informations qui sont fausses se propagent jusqu'à 6 fois plus rapidement que les informations qui sont vraies. Ouais. Il y a des découvertes vraiment fascinantes qui sont faites dans ce domaine, qui ont été faites dans ce domaine ces dernières années. En particulier, le fait que la façon dont se propage une information va être différente selon que c'est une vérité ou un mensonge. Mmh. Et ça, c'est très intéressant, en fait. Parce que juste en regardant la façon dont se propage une information, on va pouvoir discerner le vrai du faux. Et ça permet, par exemple, de créer des algorithmes, des sortes de détecteurs de mensonges 2.0 qui vont aller, juste en regardant cette dynamique de propagation, nous dire, attention, c'est peut-être faux ou ça a l'air vrai, plutôt. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on explique les raisons pour lesquelles, justement, les forces aient été plus préjudiciables pour les démocrates que pour les républicains, par exemple, pendant la campagne américaine? Il se trouve que l'électorat républicain est un petit peu à une dent contre les médias traditionnels et donc va être juste bon client, entre guillemets, sur les fake news, c'est surtout ça. Avec une propension à les propager aussi beaucoup plus vite, à les percuter. Oui, absolument. Ouais. Alors, toutes ces informations, parce qu'il y a d'autres choses tout à fait passionnantes, la fameuse rumeur d'Orléans d'Edgar Morin, tous ceux qui nous écoutent probablement s'en souviennent, en tout cas ceux qui étaient nés dans les années 60-70, avec ces femmes qui soi-disant disparaissaient dans des cabines de magasins, des cabines d'essayage. Hein. Tout ça, ce sont des fausses informations, ça n'a jamais existé en réalité. Hein. Et ça va très très loin finalement dans la narration des choses. Oui, ce sont des fausses rumeurs et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont construites par la foule. En fait, ce sont, dans le cas de la rumeur d'Orléans, dans le cas des fake news de tout à l'heure, ce sont des adolescents qui les ont construites et diffusées. Dans le cas de la rumeur d'Orléans, là, c'est vraiment la foule qui a fait émerger cette rumeur. Ouais. Peut-être à partir de certaines informations, mais en tout cas, cette histoire rocambolesque comme quoi les femmes se faisaient enlever dans les cabines d'essayage tenues par des commerçants juifs et ensuite conduites en sous-marin, au Moyen-Orient, pour alimenter un réseau de prostitution. Ouais. Tout ça, c'est la foule qui l'a construite. Et on s'intéresse aussi à la distorsion de l'information. Beaucoup. Absolument. Fabrice, vous l'avez raconté, ça, dans Affaires Sensibles? Non, mais c'est une excellente histoire pour vous. Je compte le raconter, c'est prévu. Et justement, avec cet éclairage, fake news, finalement. Absolument. Et je vous conseille le livre de Mehdi Moussaïd là-dessus. Ça s'appelle « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous ». C'est aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup, Mehdi Moussaïd. C'est passionnant. Merci à vous. Et beaucoup de succès pour vous. Et votre chaîne YouTube également, hein, qui s'appelle « Fouloscopie », pour voir les vidéos que vous réalisez autour de ces sujets. Merci beaucoup.